Madame Marneffe regarda Wenceslas, eut l'air d'être confuse et se leva brusquement. Une femme, jeune et jolie, n'a jamais impunément éveillé chez un homme l'idée d'un succès immédiat. Ce mouvement de femme vertueuse, réprimant une passion gardée au fond du cœur, était plus éloquent mille fois que la déclaration la plus passionnée. Aussi le désir fut-il si vivement irrité chez Wenceslas qu'il redoubla d'attention pour Valérie. Femme en vue, femme souhaitée. De là vient la terrible puissance des actrices. Madame Marneffe, se sachant étudiée, se comporta comme une actrice applaudie. Elle fut charmante et obtint un triomphe complet. « Les folies de mon beau-père ne m'étonnent plus, » dit Wenceslas à Lisbeth. « Si vous parlez ainsi, Wenceslas, » répondit la cousine, « je me repentirai toute ma vie de vous avoir fait prêter ces 10 000 francs. Seriez-vous donc comme eux tous, » dit-elle en montrant les convives, « amoureux fous de cette créature ? Songez donc que vous seriez le rival de votre beau-père. Enfin, pensez à tout le chagrin que vous causeriez à Hortense. » « C'est vrai, » dit Wenceslas. « Hortense est un ange, et je serais un monstre. »« Il y en a bien assez d'un dans la famille, » répliqua Lisbeth. « Les artistes ne devraient jamais se marier, » s'écria Steinbock. « Ah, c'est ce que je vous disais, rue du Doyenné. Vos enfants à vous, ce sont vos groupes, vos statues, vos chefs-d'œuvre.